Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. The sound has changed, hasn't it? Amen. Prions. Hallelujah. Levez vos voix. Élevez vos voix vers le Seigneur ce matin. Dites-lui quelque chose ce matin. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien il est important pour toi. Dites-lui combien ce qu'il compte pour toi ce matin. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour le privilège d'être appelé ce matin. Merci pour le privilège d'être dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais tous les jours de notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci de nous avoir parlé dès le matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour chaque opportunité que tu nous donnes de se rassembler, de nous rassembler dans ta présence. Parce que nous savons que tu es présent, nous savons que tu vas nous parler. Seigneur, que ta parole puisse avoir un effet dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints de Dieu disent Amen. Alléluia, asseyez-vous. Amen. En tout cas, je me suis bien enjoyée ce matin. Hein? More than Tyler Perry, alléluia. Vraiment, comme Laetitia a dit, il y a des dons dans la salle. Amen. J'étais vraiment contente et je vois une nouvelle direction, un nouveau zèle, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Il y avait eu un changement. Yeah, I think that, je crois que la prière aide. Amen. Et malgré le fait que tu n'as pas vu le pasteur tous les jours, il y a quelque chose qui se passe derrière. I really had a good laugh, en tout cas. Merci et merci Laetitia parce que le chant n'est pas facile. En tout cas, il y a des dons dans la maison. Amen. Que chacun de vous trouve votre place dans le Seigneur, un endroit où vous serez confortable à servir. Amen. God bless you all. Donc nous allons continuer à parler de la prière. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de parler de la prière. Nous devons comprendre que la prière et prier est essentielle pour notre survie. Amen. Si vous voulez réussir, pas seulement en tant que chrétien, mais être humain sur cette terre, vous devez prier. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui va nous aider. Il va envoyer son Saint-Esprit pour nous influencer dans notre choix, dans notre décision. Alléluia. Amen. Et je crois que le sketch a vraiment tout dit. Amen. Vous êtes jeune, vous êtes sur le point de vous marier. Beaucoup sont en train de se chercher. J'espère que vous allez permettre au Saint-Esprit de vous influencer, de vous conduire et de vous guider. Et lorsque vous lui laissez vous parler tôt le matin, votre journée sera un beau jour. Amen. Votre journée sera bénie. Vous serez dans la volonté de Dieu lorsque vous priez tôt le matin. Amen. Fantastique. We are still talking about prayer. Pendant le premier culte, on a parlé de Daniel. Daniel, le premier ministre, qui exerçait auprès du roi, je ne sais plus comment il s'appelait, Darius. Et on a vu qu'après le roi Darius, c'était Daniel. Et Daniel n'a pas laissé sa position interrompre ou affecter sa relation avec Dieu. Amen. Il a eu des bonnes excuses à donner. C'est un premier ministre, il est très occupé. Mais une chose qu'il ne pouvait pas how do I say, compromise. Compromettre. C'était sa relation avec Dieu. Il dit, je peux être le premier ministre. Je peux être quelqu'un de très important. Je peux être quelqu'un de très riche. Je peux être l'adjoint du roi. Ça ne va pas changer ma relation avec Dieu. Je peux être le chanteur principal. Je peux être un star des films. Je peux être numéro un en classe. Mais ça ne va pas m'affecter. Ça ne va pas affecter ma relation avec Dieu. Je peux être une femme mariée aujourd'hui. Je peux avoir un enfant. Je peux être le bilot de James Bond. Mais je ne vais pas laisser ces choses affecter ma relation avec Dieu. Je peux être un étudiant en anglais. Je peux être un étudiant à l'étranger. Je peux être très occupé avec mes cours. Mais je ne vais pas laisser ces choses affecter ma relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Daniel était quelqu'un qui pouvait dire qu'il avait des choses à faire, qu'il était occupé. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. La Bible nous dit, dans le verset 10, que Daniel, lorsqu'il y avait eu un certain décret du roi qui disait que personne ne devait prier un autre dieu ou un autre homme à part le roi Darius, et que cette personne risquait d'être jetée dans la fosse au lion, Daniel n'a pas laissé ce décret ou cette décision affectait sa relation avec Dieu. Une décision qui provoquait la peur dans beaucoup de personnes. Une décision qui pouvait lui coûter la vie. Il n'a pas laissé ces choses déranger ou affecter sa relation avec Dieu. Amen. Et je disais pendant le premier culte, tu ne peux pas me dire que tu es trop occupé pour prier ou pour servir Dieu. Amen. Et je vous ai dit que vous n'avez pas encore vu ce que c'est être occupé. Aujourd'hui, vous gérez votre petite vie avec difficulté. Je vous assure que dans quelques années, vous allez vous embrouiller. Vous allez chercher l'église. Arrêtez de vous embrouiller. International Chapel, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est déjà fermé. Alléluia. Amen. Vous allez vous embrouiller big time. Si vous n'arrivez pas à gérer votre temps maintenant, vous ne pourriez pas le gérer quand vous serez vraiment occupé à faire des choses sérieuses. Amen. Alléluia. Donc profitez de tout ce que vous vivez, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous apprenez. Maintenant, que ça soit une habitude, la prière, passer le temps avec Dieu, méditer la parole, que cela devienne une habitude pour vous maintenant. Parce que je vous assure que vous n'êtes pas encore occupé. Amen. Yeah. Demandez aux gens autour de vous qui sont maintenant mariés. Est-ce que la vie n'a pas changé dès le mariage? Et quand les enfants commencent à venir, est-ce que ça ne change pas encore? Oui. Donc, quand il y aura deux enfants, ça va changer encore. Et jusqu'à ce que la dernière quitte la maison, à l'âge de 18 ans, minimum, ça va changer. Yeah. Mais Daniel n'a pas laissé sa situation affecter sa relation avec Dieu. Parce qu'il savait combien cette relation avec Dieu était importante pour sa réussite. C'était un homme excellent, avec une intelligence supérieure aux autres. Mais il a reconnu la source de cette intelligence, de cette supériorité. Alléluia. Amen. Mais vous, quand vous réussissez un peu, vous dites, ah, Lady Pastor, je dois me concentrer avec mes études. Je n'ai pas trop le temps. Donc, je peux chanter les dimanches, mais répétition en semaine, je crois que c'est pas évident. Donc, il me faut un peu de temps. Ah, il te faut un peu de temps. Hein. No problem. Tu peux rester là où tu es. On n'a pas vraiment besoin de toi. Non, c'est la vérité. Si tu pars aujourd'hui, la chorale ne va pas disparaître. Ça va grandir. Yeah. Ça va grandir. Si tu trouves que le travail que tu fais pour aider est trop demandé, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas esclave, tu n'as pas signé de contrat. Est-ce que tu as signé un contrat? Tu peux démissionner? Yeah. Vous les bergers là, vous tous, vous pouvez démissionner. Si vous tournez, vous allez voir des rangées après vous. Et il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent dans les couloirs. Vous remplacez. Yeah. Des potentiels bergers et bergères. Des hommes et des femmes puissants. Vous allez nous manquer, mais ça ne va pas détruire ce que Dieu est en train de faire. Donc si vous trouvez que vous êtes tellement occupé et avec les demandes qu'on vous impose, ça va vous affecter. La porte est ouverte. Lady Pastor, je donne à tout le monde la permission de démissionner. Amen. Oui, parce que la prière et le service que nous donnons à Dieu n'est pas pour lui en tant que tel. C'est pour vous. Yeah. Quand vous priez, ce n'est pas Dieu qui est béni. Ce n'est pas Dieu qui est béni. Ce n'est pas moi qui est béni, qui suis béni. C'est toi qui es béni. Amen. Donc, changez votre manière de voir la prière. Et voir le service que vous rendez à Dieu. Changez votre manière de voir les choses. Amen. Parce que la vérité, c'est que nous tous, nous sommes égoïstes. Si on ne voit pas de bénéfice pour nous-mêmes, on ne va pas le faire. Vous ne priez pas parce que vous croyez que c'est Dieu qui bénéficie de votre prière. Vous ne priez pas parce que vous croyez que c'est pour faire plaisir à Lady Pastor. Vous n'avez pas compris que la prière, c'est pour vous. C'est pour votre survie, c'est pour votre bonheur, votre bien-être. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas du tout compris. Voilà pourquoi vous ne priez pas. Si je vous dis, si vous voulez, qui veut un visa pour aller aux États-Unis? Oh, personne. Ok, pardon. Qui veut un visa pour aller à Montréal? Ok. À Paris? Ok, où c'est encore? Québec, Australie. Ok, Venise. Qui veut un visa pour aller à Tokyo? Tokyo. Ok, j'ai le secret. Levez-vous 4 heures chaque matin. Allez devant l'ambassade. Attendez l'ambassadeur. Quand il arrive, tu dis, bonjour monsieur l'ambassadeur. Est-ce que je peux laver votre voiture? Est-ce que vous avez besoin d'une aide à la maison? Tous les jours, de 4 heures à 6 heures, un jour, il va se rappeler, il y avait un certain Élie qui venait, appelle-le pour moi. Je vais lui remettre le visa. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Quelqu'un dit, tu n'as même pas honte. Tu vas le faire. Si je te dis que non, ça a marché pour quelqu'un, ça va marcher pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Si je dis, les 100 premières personnes qui vont arriver à l'ambassade, s'il te plaît, s'il est en train de dormir, il faut le réveiller avant que je n'arrive. Si je vous dis qu'il y a le 100 premières personnes qui arrivent à l'ambassade des États-Unis, hein, vont avoir un visa, combien de personnes partiront? Vous allez dormir là-bas? Il y a un moment donné, un temps où les gens dormaient à l'ambassade pour être les premiers en ligne pour recevoir le visa, ici au Ghana, avant que ça ne soit computerized. Madoché, on dit quoi? Ça marche. Amen. Alléluia. Il ne faut pas venir à l'église pour dormir. Ce n'est pas acceptable. Si vous voulez dormir, restez chez vous. Is it okay? Is it a good idea? Yeah. Amen. Hallelujah. Nous trouvons le temps pour faire ce qui est important pour nous. Yeah. Yes. Donc, la raison pour laquelle tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu es occupé. Non. Je refuse d'accepter ça. C'est parce que tu n'as pas compris. Et tu n'as pas vu l'importance de la prière. Mais dis, pasteur, je prie depuis des années, je ne vois pas de résultat. Tu pries, mais est-ce que tu as arrêté de faire des bêtises après la prière? Tu pries, mais est-ce que tu arrives à pardonner ceux qui t'offensent? Amen. Ça, c'est un autre message. Je ne veux pas être distrait. Daniel était important. Il avait une poste importante. Mais il a trouvé le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que la prière était importante. Il n'a pas attendu les problèmes pour pouvoir prier. La Bible nous dit qu'il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça, c'est le mot-clé, auparavant. C'est une habitude. C'est quelque chose qu'il faisait. Ce n'est pas le problème qui l'a poussé à se mettre à genoux. Amen. Hallelujah. Tell your neighbor, do not sleep. Amen. Il n'était pas trop occupé pour prier. Donc toi aussi, tu ne peux pas être trop occupé pour prier. Amen. Alléluia. Il a reconnu, ou il reconnaissait que la prière était la source de sa bénédiction, ou de sa puissance, ou de sa force. Amen. Et quand tu te rends compte, tu te rendras compte que la prière est la source, ou c'est là où tu vas trouver la protection, tu vas prier. Tu vas prier. C'est, aujourd'hui, tu ne vois pas le lien entre la prière et le fait que tu sois en vie ou tu sois en bonne santé. Tu prends ça comme acquis. Tu penses que je suis jeune, donc je dois être en bonne santé. Je dois avoir la forme. Je dois être forte. Je suis jeune, donc je pense que tout va marcher. Je peux faire des projets, je peux... Tu n'as jamais entendu parler d'un jeune qui tombe malade et il ne se lève pas du lit d'hôpital. Tu n'as jamais entendu parler d'un jeune qui est mort. Tu n'as jamais entendu parler d'un jeune qui était tombé malade d'un jour à l'autre. Jamais. Yeah. C'est parce que tu n'as pas réaliser l'importance de la prière dans votre vie. Quand vous lisez Éphésiens 6, l'armure de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont énumérées, qui sont écrites. Mais quand vous arrivez au verset 18, Éphésiens 6, 18 ou 19? 19? Ok, c'est le 18-19. Go back. 17 encore. On parle de l'armure. Ok? Donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Après avoir énuméré les différentes armes, Dieu parle de la prière. Il dit, priez en tout temps. Ça fait partie de votre armure. Ça fait partie de l'armure. Quand vous aurez tout mis, priez. Priez en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour les saints. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Quand vous aurez mis l'armure, si vous avez l'armure et vous ne savez pas comment ça va marcher, à quoi ça sert. Quand le roi avait donné à David l'armure pour se battre contre Goliath, il a essayé, mais ça n'a pas marché, parce qu'il ne savait pas comment. Si vous avez toute l'armure et vous ne savez pas comment l'utiliser et comment ça marche, à quoi ça sert? Donc la prière vous aide à utiliser les armes que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Donc si vous comprenez que la prière fait partie de votre protection, vous allez prier. Alléluia. Amen. La prière est aussi importante pour acquérir et garder les bénédictions de Dieu. Si vous comprenez que si vous voulez être béni de Dieu, vous devez prier, vous allez prier. Vous n'allez pas vous lever le matin et espérer qu'il y aurait des bénédictions. Vous n'allez pas vous lever le matin et dire, oh, j'espère que cette journée sera meilleure que hier. Si vous comprenez que la prière est liée aux bénédictions, vous allez prier. Amen. Vous allez prier. Vous allez prendre votre prière au sérieux. Amen. La raison pour laquelle nous ne prions pas, c'est parce que nous ne voyons pas l'importance de la prière. La prière, c'est la clé qu'il nous faut pour réussir. Je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Je ne sais pas comment je peux vous convaincre que la prière est importante pour toi. Amen. Important pour toi et important pour moi. Ta prière n'est pas importante pour moi. C'est ma prière qui est importante pour moi. La prière du pasteur n'est pas celle qui va changer ta vie. C'est courir voir le pasteur. Pasteur, je peux vous voir. Pasteur, je peux vous voir. J'ai besoin de prière. Je suis d'accord que tu as besoin de prière. Mais je suis d'accord que tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. La meilleure personne qui peut prier pour toi, c'est qui? C'est moi. Okay. Est-ce que tu peux essayer de me voir et tu trouves que je suis trop occupée? Il y a trop de monde qui attendent. Est-ce que le problème va attendre que j'aie le temps de prier pour toi? Tu vas dire au problème, attends d'abord, je n'ai pas encore vu Lady Pasta. Donc la meilleure personne qui peut prier pour ta situation, c'est toi-même. Et si tu ne vois pas l'importance de la prière, tu vas rester dans tes problèmes. Yeah. C'est comme si tu étais bloqué dans une chambre. Et la clé est avec toi. Mais tu attends que quelqu'un arrive pour que tu passes la clé sous la porte pour que la personne ouvre. Ça n'a pas de sens. C'est pas bon. C'est pas bon. Yeah. Mais c'est ce que nous faisons. Nous avons la clé. Mais nous attendons à ce que quelqu'un vienne d'abord pour qu'on passe la clé. Tu peux m'aider à ouvrir la porte? Ok, attends d'abord. Tu essaies de pousser la clé. Tu as la clé? Tu as la clé? Il dit oui, j'ai la clé, mais je dois aller aux toilettes d'abord. Oh! Je dois manger d'abord, j'ai un peu faim. Oh! Pourquoi ne pas prendre la clé, mettre ça dans la serrure et puis tourner la clé? Amen. L'importance de la prière dans votre bonheur, ça dépend de toi. Si tu auras un bon mariage, dépend de combien de temps tu passes dans la prière. Yeah. Vous êtes dans l'école de mariage, beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous trouvez le temps de prier? Est-ce que vous trouvez le temps de demander à Dieu d'intervenir? Dans votre couple, vous dépendez de votre amour pour votre bonheur. Vous dépendez de votre amour. L'amour, vous allez vivre de l'amour et de l'eau fraîche. Dites l'eau fraîche ou l'air fraîche? L'eau fraîche. Tout. Yeah. Est-ce que vous priez? Même si tu n'es pas à l'école de mariage, est-ce que vous priez pour votre avenir, votre mariage? Vous espérez qu'un jour, le prince charmant va venir sur son cheval blanc, il va partir, et quand il te verrait, il va s'arrêter, va dire, waouh, quelle créature merveilleuse, la femme de mes rêves. Demandez à combien de personnes qui ont été trouvées par un prince charmant sur le cheval blanc. Amen. Alléluia. Mettez-vous à genoux pour prier. Priez pour votre mariage. Priez que Dieu vous ouvre les yeux pour que tu vois un bon Esther, pas une belle Vashti. Ne suivez pas la forme. La structure. Priez. Votre bonheur dépend de votre prière. Amen. N'attendez pas que le James Bond arrive vous proposer, vous êtes amoureuse avant de commencer à prier. Vous n'allez pas voir clair. Quand tu fermes les yeux pour prier, tu vas voir les étoiles. Tu vas voir le feu d'artifice. Tu vas entendre des cloches sonner. Tu ne pourras plus entendre la voix de Dieu qui dit, hé, ma fille, ne pars pas là-bas. Yeah. Maintenant, priez. Votre bonheur, votre bien-être dépend de votre prière. Amen. Ne suivez pas ce que les autres font. Ah, tout le monde est à l'école de mariage, donc moi aussi je pars. Ah, tout le monde est à l'école de mariage, quand est-ce que moi j'irai? Le mariage n'est pas l'école de mariage. Les cours de mariage est différent du mariage. Les cours de mariage sont différents. Si vous ne priez pas, vous allez tomber dans le piège que beaucoup, dans lequel beaucoup ont tombé. Priez. Jeune homme, priez. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous marier dans les 2-3 ans à venir. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Comme, parce que la tête est claire. Tu ne peux pas être embrouillé par l'image. Quand tu fermes les yeux, tu vois. Ouh, ça doit être elle. Ça doit être elle. Ça doit être elle. Kabaya. Kabaya. Quand je ferme les yeux, je ne vois qu'elle. Ça doit être elle. Maintenant qu'il n'y a personne en tête, c'est le moment de prier. Amen. Les filles, c'est maintenant. Amen. L'importance de la prière. I'm talking about prayer. I'm not talking about marriage. I'm talking about prayer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes... Quand on parle de mariage, vous êtes excités comme ça. Je ne comprends pas. Je parle de la prière. L'importance de la prière. Amen. Yeah. Une forme de prière. La Bible dit la beauté est vaine et la charme est... What? Est trompeuse. Mais une femme vertueuse sera louée. Une femme vertueuse. Qu'est-ce que c'est la vertu? La vertu, est-ce que ça se voit sur ton visage? Est-ce que ça se voit dans la forme? Ça ne se voit pas dans la taille de votre hanche. La vertu. Ni dans tes cheveux brésiliennes. La vertu ne se voit pas dans les mollets, le teint de sa peau. C'est par la prière que vous allez voir la vraie vertu de la femme. Amen. C'est par la prière que tu vas voir si c'est une femme vertueuse ou pas. La vertu ne se voit pas dans les sourires. Oh, oh berger, oh chef. Oh chef, je peux t'offrir un jus. Oh chef. Oh moi aussi je veux être chef un jour parce que je vois que les chefs ils enjoy beaucoup. La chépense. La vertu ne se voit pas dans la sourire. Parce qu'il y a des sourires. Il y a des sourires. Amen. Are you listening to me? Priez. Si vous voulez être heureux dans votre mariage, c'est maintenant que vous devez prier. Parce que les gens changent. Aujourd'hui, vous êtes dans un petit... How do you say utopia? Utopie. Vous êtes là, tu vois ton bien-aimé, vous venez à l'église, vous marchez, main dans la main, vous rentrez ensemble, vous venez à l'église, il y a le coup de mariage, quand vous avez un peu d'argent, vous sortez, vous êtes bien, à l'aise. Rentrez seulement. Allez seulement au pays. Restez à la maison 2 ans sans travail. Vous allez voir que la vertu que tu voyais, c'était parce que l'atmosphère était favorable. Ici, c'est pas une vraie vie pour vous. C'est pas une vraie... Ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Si vous ne priez pas, vous allez penser que la vie, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Jeune homme, c'est à vous que je parle. Maintenant que vous n'avez pas encore de bilot, il faut prier. Il faut être sérieux dans la prière. Amen. Dis, Seigneur, quand c'est la personne, la bonne personne, là, il faut que je voie ça immédiatement. Et les filles aussi, il ne faut pas être trompées. Ça, là, ce n'est pas un vrai aspect de la vie. Tu n'as jamais vu cette personne sous pression. Aujourd'hui, les parents ne sont pas là. Tu ne sais pas comment ils sont liés, attachés aux petits doigts de ses parents. Quand vous allez rentrer et tu dis, chérie, on va vivre. Où est-ce qu'on va vivre? Il dit, je vais appeler maman d'abord. Elle connaît. Oh chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Attends, je vais appeler ma soeur d'abord. Je vais appeler maman d'abord. Il dit, oh, mais est-ce que c'est moi qui décide pour nous? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir? Parce que tu n'as pas prié, donc il ne faut pas te plaindre. Amen. Toi, tu es juste heureuse parce que quelqu'un t'a demandé la main. Hey, moi aussi, je vais commencer les cours de mariage. That's your joy. Les cours de mariage. Les cours du mariage n'est pas le mariage. Voilà pourquoi, même le vendredi, c'est pour les couples mariés. Pas les couples au cours de mariage. En voie de se marier. Non, there's a difference. Je ne parle pas de mariage, je parle de prière. Je parle de prière. Ça, tu vas continuer à aimer quand elle va commencer à prendre du poids. Quand elle tombe enceinte, elle marche partout avec une petite boîte pour cracher dedans. Elle ne peut pas préparer pour toi parce qu'elle est malade. Va grossir, le nez va changer de couleur. Les lèvres vont doubler en taille. Même la plus mince que tu vois là, attends seulement. Si tu vas suivre la forme, sans la prière, mon frère, Il y a une petite surprise qui t'attend. Moi, j'aime les femmes minces. Je veux une femme que si je mets le bras autour, ça peut. Oh, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Je connais des minces qui après l'accouchement. Moi, j'en connais. Moi, je n'ai jamais été mince de ma vie. Mais je connais des minces. Après l'accouchement, c'était autre chose. Donc, si vous ne priez pas et vous cherchez la forme, la structure, jeune homme, tu peux respirer. Tu seras surpris. Pray. L'importance de la prière pour même acquérir et garder les bénédictions. Amen. Wow. Are you tired? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu des bénédictions, mais ils n'ont pas pu les garder? Récemment, j'ai demandé mon bank statement, relevé de compte. Et quand j'ai vu le montant depuis 6 mois, le montant que j'ai dépensé, je me suis dit, ce montant est passé par mes mains, entre mes mains. I was surprised. LP. I said, what have I done with the money? I said, non, c'est une erreur. Je regarde encore, je dis, tu peux gagner 400 Ghana par mois. Ou tu peux recevoir 400 Ghana par mois. Après 6 mois, 2400 sont passés entre tes mains. 2400, ça c'est 24 millions d'anciens Ghana Cedis. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu es surprise que tu as dépensé plus de 2000 Ghana Cedis in 6 months. You are surprised. Si je te dis que tu as de l'argent, tu dis, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais tu regardes que tu as dépensé plus de 20 millions de Ghana Cedis en 6 mois. Tu n'as pas acheté de terrain. Tu n'as pas construit. Tu n'as pas acheté une machine à laver. Tu n'as pas acheté une télévision. Tu as juste dépensé. C'était sur le crédit, le transport, la nourriture, le drop. Au lieu de prendre le trop, tu prends le drop. Tu seras surpris de combien tu as dépensé. Tu dis que tu n'as pas d'argent. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir avoir de l'argent et garder la bénédiction. Et si vous ne priez pas, c'est une erreur qui va reprendre encore et encore et encore. Priez pour vos finances. Priez pour vos finances. Tu es toujours fauché. Priez. Il y a des gens qui gagnent 150 Ghana. Ils ne sont pas fauchés. Mais il y a des gens qui gagnent 1500 Ghana. Ils sont toujours fauchés. Priez. Reconnaissez l'importance de la prière dans votre vie. Vous serez surpris de comment votre vie va changer. La prière. La prière. La prière. Alléluia. Priez pour vos enfants. Vous n'avez pas d'enfants encore. Priez. Vous ne savez pas si vous pouvez faire des enfants. Vous pensez, oh, je vais me marier, j'aurai 4 enfants. Oh, oh, oh, oh. Pas automatique. Ce n'est pas automatique. Moi, je veux 2 garçons. Moi, je veux faire 2 garçons et puis je vais m'arrêter. Je connais quelqu'un qui cherchait un garçon. Il a fait 7 filles. Juste en cherchant un garçon. Ok, le prochain sera un garçon. Ok, le prochain. 7 filles. Et je pense qu'après la 7e, il s'est rendu compte que c'est pas seulement en déclarant que tu vas recevoir. Yeah. Amen. Priez. Priez. Priez pour votre santé. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui vont à la salle d'accouchement et ils ne sortent pas. Priez. Quand vraiment le 30e, on a parlé de ça. Si vous ne priez pas, votre vie va dépendre au hasard, aux éléments, circonstances. Quand tu vas dans la salle, il y aura un médecin qui est embrouillé, qui a des problèmes de voiture. Donc, pendant l'opération, le mécanique va l'appeler pour dire que la facture c'est 2 millions 400. Il va dire, oh! Et il s'oublie, il dit, oh, forgive, je ne devais pas couper. Si vous ne priez pas, votre vie va dépendre du hasard. Va dépendre des humeurs des gens. Est-ce que vous voulez pour votre vie? La prière. L'importance de la prière. Lorsque vous priez, jeune homme, vous ne priez pas pour moi. Je veux que vous compreniez ça. Jeune fille, vous priez pour vous-même. Pour votre avenir. Votre avenir, votre bien-être, votre bonheur. Ami, il faut prier. Pour vos études. Gaston, je t'ai pas appelé aujourd'hui. Vous priez. Amen. Priez pour votre avenir, vos études, votre travail. Dis Seigneur, quand je vais retourner, que je fasse parmi ceux qui trouvent un travail vite. Faut pas attendre que tu arrives là-bas. Ah, je suis en train de distribuer mon CV. C'est maintenant que tu es en train de distribuer. Distribuez votre CV déjà maintenant dans l'esprit. Seigneur, j'ai envoyé mon CV à EcoBank, à Total, à Shell, à je sais pas. J'envoie déjà mon CV. Quand ils voient mon nom sur le CV, ça va leur rappeler quelque chose. C'est pas seulement en criant que tu vas recevoir. Priez. Priez. Ne dépendez pas du hasard. Ne dépendez pas des éléments. Alléluia. Le pouvoir que vous avez par la prière, vous n'avez aucune idée. Voilà pourquoi vous ne priez pas. Levez-vous. Alléluia. C'est parce que vous n'avez aucune idée. Alléluia. Seigneur, mets en nous le désir de prier. Fais-nous comprendre l'importance de la prière. Fais-nous comprendre combien et comment notre avenir dépend de notre prière. Ô Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour l'enseignement. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et ouvrir nos oreilles pour pouvoir entendre, voir et comprendre l'importance de la prière. L'importance de la prière. La clé qui est la prière. Oh Dieu, tu es un bon Dieu. Merci pour ces enseignements. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je veux être parmi ceux qui comprennent l'importance de la prière. Je veux faire de la prière un quotidien dans ma vie, une habitude. Oh Seigneur, merci de m'avoir enseigné ce matin. Ouvrez votre bouche et remerciez Dieu. Merci de m'avoir enseigné ce matin sur l'importance de la prière. Merci de m'avoir ouvert les yeux que la prière et ma réussite dépendent de ma prière. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les oreilles pour comprendre ce que tu me dis aujourd'hui. De comprendre que si je ne prie pas, c'est mon avenir qui est en jeu, mon bonheur qui est en jeu. Oh Seigneur, je ne veux pas cesser de prier, je ne veux pas m'arrêter. Je vais prier encore davantage. Je vais prier pour mon avenir. Je vais prier pour mon mariage. Je vais prier pour mon futur mari, ma future épouse. Je vais prier pour mes enfants que je vais avoir. Je vais prier, Seigneur, que mes enfants ne soient pas des drogués ni des bandits, mais qu'ils soient des enfants sages qui me feront du bonheur. Je vais prier pour ma famille. Ma famille soit bénie. Je vais prier pour mon foyer. Qu'il y ait de la paix dans mon foyer. Qu'il y ait de la paix dans ma maison. Je ne veux pas finir avec une personne que je déteste, Seigneur. Je veux continuer à aimer mon épouse, mon époux, pour le reste de ma vie. Seigneur, merci. Merci de m'aider à faire le bon choix. Dans mon travail, Seigneur, je te remercie. De m'avoir fait comprendre que c'est maintenant que je dois chercher le travail dans l'esprit. Pas demain, pas après demain, mais maintenant, sur mes genoux. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour un changement dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la réussite qui m'attend, Seigneur, par la prière. Seigneur, je veux que tu me connaisses. Je veux que tu me connaisses. Je veux que quand tu entends ma voix, Seigneur, que tu saches que c'est moi. Je veux une relation personnelle avec toi. Je veux une vraie relation avec toi, Seigneur. Merci, merci d'avoir ouvert des portes pour moi, pour que je puisse venir devant toi comme ça. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour les bénédictions. Je te remercie pour les bénédictions que tu as préparées pour moi. Car tu connais les projets, les plans que tu as pour ma vie. Les projets de bonheur et de paix. Seigneur, merci. Merci. Mon frère, ma soeur, je veux prier pour toi ce matin. Si tu es là et tu ne connais pas Dieu personnellement, tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer. Aujourd'hui, tu veux prier, tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Ma vie ne va pas comme je veux. Et je crois que c'est parce que je gère mes propres affaires. Dieu n'est pas du tout impliqué dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux prendre une décision. Je veux inviter Dieu dans mon cœur. Je veux inviter Dieu dans ma vie. Je veux qu'il soit impliqué pleinement dans ma vie. Je veux qu'il dirige ma vie. Si tu es là et tu reconnais que tu as besoin de Dieu, tu es pécheur. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas directement en enfer. Aujourd'hui, tu veux demander à Dieu, tu veux prier Dieu d'entrer dans ton cœur, de changer ta vie, changer ton avenir, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu ne veux pas quitter ici comme tu es venu. Tu veux avoir de l'espoir pour ton avenir. Je veux bien prier pour toi, mon frère, ma soeur. Lève seulement la main. Fais-moi signe. Et je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu veux prendre une décision pour lui. Tu veux dire, Lady Pastor, je ne sais pas si je suis sauvée. Je ne sais pas si je suis née de nouveau. Je ne sais pas si je suis enfant de Dieu. Je veux que tu pries pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, fais de moi ton enfant. Tu veux faire cette prière, lève seulement la main. Je vais prier pour toi. N'aie pas peur, n'hésite pas. Ne doute pas. Dieu est là. Et il veut marcher avec toi. Il veut te bénir. Lève la main, je vais prier pour toi. Tu veux naître de nouveau aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Merci pour ta grâce, ton amour, ta faveur. Seigneur, je te bénis pour tous tes enfants ici présents. Seigneur, merci de nous avoir ouvert les yeux pour voir l'importance de la prière. L'importance de se mettre à genoux devant toi pour demander ton intervention. Demander ton aide, demander ta main sur notre vie. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Que nous ne soyons jamais fatigués de prier et de chercher ta face. Très tôt le matin, avant de se coucher, Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi et crier vers toi. Seigneur, s'il te plaît, garde les portes ouvertes pour nous. Afin que nous puissions toujours venir vers toi. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nos péchés qui nous éloignent de toi. Seigneur, merci. Merci de nous écouter et d'exaucer nos prières. Nous te remercions. Nous te rendons toute la grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia.